tout à l'heure, Dorothée. Il est 8h54, on explore l'espace avec l'astrophysicien et poète Jean-Pierre Luminet. Et une question pas très poétique ce matin, ça coûte combien l'exploration spatiale ? 4, 3, 2, 1... Combien de fois n'entend-on pas dire que l'argent mis en jeu dans l'exploration spatiale serait mieux dépensé sur Terre à combattre la pauvreté, la faim dans le monde, les maladies, le réchauffement climatique, la pollution et autres fléaux du monde moderne? La question se posait déjà il y a 50 ans. En 1970, en plein succès du programme Apollo, le directeur scientifique de la NASA, Ernst Stüllinger, reçoit une lettre de sœur Marie Yukunda, officiante en Zambie, qui lui reproche de dépenser des milliards de dollars pour la recherche spatiale alors que tant d'enfants meurent de faim. Dans une réponse d'anthologie, Stüllinger détaille longuement les arguments justifiant les dépenses spatiales. Il explique par exemple comment le satellite terrestre artificiel, en orbite autour du globe, à très haute altitude, peut observer de vastes aires de terrain en un temps très court, mesurer une grande variété de facteurs indiquant l'état des cultures, du sol, les sécheresses, les précipitations, la couverture de neige, et communiquer ces informations aux stations au sol afin d'améliorer les programmes de production de nourriture. Il souligne ensuite que chaque année, un millier d'innovations techniques générées par le programme spatial sont recyclées dans les technologies terrestres. On lui doit par exemple les ordinateurs modernes, l'imagerie médicale, la téléphonie mobile, les chaînes de télévision par satellite, les prévisions météo, le guidage automobile par GPS, les mousses à mémoire de forme, les détecteurs de fumée, les airbags de sécurité dans les voitures, des médicaments mis au point en microgravité, et ainsi de suite. Au final, un programme spatial à quelques milliards de dollars apporte tellement de nouvelles technologies que ses retombées au bénéfice de l'humanité dépassent de loin le coût de sa mise en œuvre. Stüllinger joint à sa réponse la fameuse photographie montrant une vue de la Terre depuis la capsule Apollo 8 en orbite autour de la Lune au Noël 1968. De tous les résultats du programme spatial, cette photo pourrait être le plus important. Elle a ouvert les yeux sur le caractère fini et unique de notre planète perdue dans l'immensité du cosmos, qu'il convient dès lors de protéger tant elle semble fragile. L'astronautique a déclenché une prise de conscience écologique de l'humanité. Outre le côté utilitaire des retombées technologiques, dont on peut toujours discuter si elle contribue vraiment au bonheur global de l'espèce humaine, il existe de toute façon un besoin fondamental d'acquérir de nouvelles connaissances en recherche pure. Pour moi, la quête de la connaissance justifie à elle seule la recherche scientifique, même lorsque aucune application pratique se profile à l'horizon de quelques générations humaines. Étant entendu qu'au-delà, on ne peut jamais préjuger. Avant le programme Apollo, par exemple, l'origine de notre Lune était un mystère. Il a fallu attendre le retour sur Terre d'échantillons de roches lunaires pour trouver une explication compatible avec les analyses. Notre Lune est née d'une collision terrible entre la jeune Terre et une petite planète vagabonde. Cela s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Et l'on sait combien la Lune a par la suite joué un rôle bénéfique dans l'évolution globale de notre planète, en stabilisant par exemple son axe de rotation et en produisant les marées disséminatrices du vivant. Alors oui, le programme Apollo a coûté au total 150 milliards de dollars en valeur actuelle. Mais si on remplaçait les sommes engagées dans l'exploration spatiale dans le contexte plus large des finances mondiales ? 500 milliards de dollars sont partis en fumée lors de la crise financière de 2008 déclenchée par les malversations de grandes banques. 2500 milliards ont été dépensés pour la guerre inique conduite par les Américains en Irak. Et dans les deux cas, on a abouti à une situation pire qu'auparavant. Dans un registre moins polémique, le chiffre d'affaires annuel du groupe industriel Mars, qui vend barres chocolatées, friandises et chewing-gum, est de 60 milliards de dollars. C'est 60 fois le budget annuel que toutes les agences spatiales confondues consacrent actuellement à l'exploration de la planète du même nom. Alors si vous êtes convaincu que cela vaut vraiment la peine de continuer à explorer l'univers, je vous donne rendez-vous à demain pour ma prochaine chronique. À demain, Jean-Pierre Luminet, pour une nouvelle chronique de l'espace.